L'heure du loup. Le meilleur des musiques sombres sur Osmose Radio. Bonsoir à tous, vous êtes sur Osmose Radio, c'est une excellente idée puisque comme chaque mardi soir, comme toutes les semaines, c'est votre playlist rock et new wave qui commence avec l'heure du loup. Et pour démarrer ce soir, c'était un bon vieux morceau de ce bon vieux groupe The White Stripes avec le titre Fell in Love with a Girl. Je tombe en amour avec une demoiselle, Ostide Callis. Je suis pas sûr que du côté de Détroit aux États-Unis ils disent Ostide Callis, mais bon, c'est pas grave. Si je prends en même temps l'accent québécois, c'est parce qu'on va faire un petit saut de puce dans ce début d'émission. De Détroit aux États-Unis, on va passer à Toronto au Canada avec le groupe Death From Above 1979 et le titre Little Girl. We'll be right back. Death from Above 1979 avec le titre Little Girl. Ce duo de rock indé de Toronto, disais-je, qui, depuis le début des années 2000, s'est formé, s'est séparé, s'est reformé, s'est reséparé. Là, en 2015, je sais pas trop où ils en sont, peu importe. Ils ont fait quand même de sacrés bons morceaux sur cette période et on aurait tort de s'en priver avec ce titre. Donc, à l'instant, Little Girl. Bonsoir à tous, chers amis. Vous êtes sur Osmose Radio, c'est l'heure du loup. Et exceptionnellement, ce soir, l'émission n'est pas en direct. En même temps, c'est un mal pour un bien, parce que exceptionnellement aussi, elle va commencer à l'heure. Et vu que mon technicien préféré, Abel, ainsi que les ordinateurs d'Osmose Radio, sont un petit peu plus ponctuels que moi, votre serviteur, toujours attardif, Stéphane. Et de toute manière, je vous retrouverai avec mon retard classique la semaine prochaine. Mais pour le moment, comme je vous le disais, je vous le laissais entendre la semaine dernière, je voulais faire honneur quand même dans la playlist à un événement qui a eu lieu ce week-end. Dimanche, c'était la journée de la femme. Enfin, cette appellation est impropre. C'est la journée pour célébrer les droits des femmes et le travail qui a été accompli, celui qu'il reste encore à accomplir. C'était pas une occasion pour offrir des fleurs à sa dulcinée, ça c'était pour la Saint-Valentin. Et quoi qu'il en soit, j'avais quand même envie de faire un clin d'œil à cet aspect des choses dans la playlist et je vous propose donc, après ce titre, Little Girl, de continuer avec un groupe de nanas justement, un de ces groupes de nanas qui fait honneur à la scène rock en règle générale et bien souvent d'ailleurs le public des concerts et des soirées est lui aussi pour une bonne moitié, on va dire, composé de filles et pour ma part, je ne m'en plaindrai pas. Et donc j'ai envie de commencer avec un groupe assez intéressant à ce niveau-là, un groupe qui vient de Scandinavie et Dieu sait que là-bas ils ont de très très bons groupes en la matière de rock féminin et on va donc continuer avec les Stalingrad Cowgirls, un groupe qui nous vient de Finlande, d'une petite ville qui se situe genre à 60 bornes du cercle polaire arctique et donc j'en conclus à tort ou à raison qu'elles ont fait du rock et pour se réchauffer et pour faire du bon son et de bons morceaux. Elles réussissent, j'ai l'impression, dans les deux matières. Je veux pour preuve le morceau avec lequel on va continuer tout de suite le titre Baby Girl. It's not too late. Don't you know that there? Darkness avec le titre Get Your Hands Off My Woman, enlève les pattes de ma femme. Et autrement dit, hein, et c'était enchaîné juste avant avec les Stalingrad Cowgirls, c'est le titre Baby Girl. Donc un groupe de glam punk qui nous vient de Finlande, une bande de nanas pleine d'énergie, et un groupe de glam sleaze avec des mecs tout aussi pleins d'énergie, mais qui nous vient de Grande-Bretagne, cela. Avec ce groupe The Darkness, alors un nom pas très original, mais pour ce groupe qui a une particularité assez sympa quand même, c'est que donc c'est vraiment une musique de, on va dire viril, hein, c'est du glam rock assez couillu, on va dire, surtout avec un titre comme ça, hein, Get Your Hands Off My Woman, on a vraiment enlève les pattes de ma femme, on a vraiment le mec macho, etc. Enfin, on imagine trop le mec qui a une voix grave de biker, et en fait le chanteur a des aigus un petit peu surprenants, et les deux se collent vraiment très très bien, et c'est un morceau assez sympa que l'on vient d'écouter ensemble. Enlève les pattes de ma femme, eh ben une sur laquelle on aura du mal à mettre la main parce qu'elle est tellement rapide qu'elle est assez insaisissable, c'est la petite Berit Hagen, une guitariste norvégienne qui est relativement jeune mais qui a beaucoup beaucoup de talent et énormément de techniques musicales, qui a un projet solo depuis quelques années qui s'appelle The Commander in Chief. Elle se situe vraiment dans cette tradition des solistes, des guitaristes solistes de la scène métal, hein, qui depuis les années 70 s'illustrent. Hein. On a tous en tête évidemment Jimmy Page dans les années 70 qui avait sa guitare avec deux manches là. Et puis bien entendu, on pense aussi à Jimi Hendrix, etc., etc. Enfin bref, il y a vraiment une tradition de virtuosité dans la musique classique pour le violon, et bien dans le rock c'est pour la guitare. Et Berit Hagen y fait honneur, cette fille, pour l'anecdote. Donc joue de la Flying V, vous savez, cette guitare électrique en forme de V qui est très connotée métal des années 80. Mais non seulement ça, mais en plus elle joue une guitare à 7 cordes, c'est-à-dire qu'il y a les 6 cordes qui constituent donc le jeu de cordes d'une guitare normale, et il y en a une 7e qui lui permet de faire des solos encore plus compliqués, encore plus complexes et encore plus impressionnant que ceux qu'on peut voir dans d'autres groupes. Vous avez peut-être vu dans certains concerts des bassistes qui ont une guitare 5 cordes, et ben si vous les observez bien, vous verrez qu'ils jouent pas tout à fait de la même façon que des bassistes qui ont la guitare à 4 cordes telle qu'on a l'habitude de la voir. Et je sais que dans le jazz notamment, il existe aussi des basses à 6 cordes, mais là les mecs qui en jouent, c'est des ordinateurs vivants. Enfin bref, je vais pas vous prendre le chou avec ce genre de détails qui correspond à la technique musicale, mais il faut savoir quand même que pour jouer de la 7 cordes, faut avoir un cerveau extrêmement performant, des doigts extrêmement agiles, et Berit Hagen possède tout ça, en plus d'un talent indéniable pour un âge relativement jeune, puisqu'elle est née au début des années 90. Et là elle va nous régaler avec une reprise en fait qu'elle a fait il y a quelques années, qui est toujours en téléchargement libre sur son site internet, me semble-t-il. Évidemment, je vous mettrai toutes les infos nécessaires sur le Facebook de l'heure du loup. Et on va écouter tout de suite donc The Commander in Chief avec une reprise de Black Sabbath, c'est le titre Paranoid. Time. About When avec Where No One Goes. C'était enchaîné avec The Commander in Chief et le titre Paranoid, une reprise de Black Sabbath par ce projet solo mené par Berit Hagen, une guitariste norvégienne supersonique. Berit Hagen, rien à voir avec Nina Hagen. Et donc About When, alors je sais pas d'où ça leur vient ce nom, c'est ça me fait penser au fameux film, vous savez, Wayne's World, avec Wayne et Garth et Megatuff. Et About When, Where No One Goes, alors que en fait c'est un groupe de garçons, hein, parce que bon, j'ai voulu faire un clin d'œil aux filles dans cette émission, mais maintenant ça suffit, on a quand même des choses plus intéressantes à parler, hein, et donc on va revenir à du rock masculin avec ce groupe de rock indé qui nous vient d'Italie, qui a une actualité assez récente, puis ils ont sorti un album, l'album s'appelle Bagarre et c'est sorti le 20 janvier, et donc là on vient d'en écouter un extrait avec le titre Where No One Goes. On va continuer, alors on va arrêter de parler des femmes parce que bon, on en a parlé ce week-end, j'en ai parlé un petit peu dans cette première partie d'émission, maintenant ça suffit, hein. On va continuer avec autre chose et le groupe, je regarde ma playlist, avec le groupe La Femme. Ah zut, je me contredis, décidément, je suis pire que les nanas, allez comprendre. Donc La Femme, eh bien, on va continuer avec ce groupe français fort sympathique qui marie avec brio, à mon humble avis, l'énergie de la surf music et les sons et le phrasé du groupe de la synth pop et de la new wave de la scène française des années 80. Et je vous propose un extrait de leur premier album qui était sorti en 2011-2012 dans ces eaux-là avec le titre Pack Shot. Unsere Tanz ist so wild, eine neue böse Tanz. Leibach avec le titre Alle gegen Halle. C'était une reprise de DAF, en fait, DAF Deutsche Amerikanische Freundschaft, qui était un groupe indus du début des années 80, un groupe allemand, et donc la Leibach, c'était un groupe slovène qui nous vient de Ljubljana, je crois, et qui nous sortait cette reprise il y a quelques années. C'était enchaîné juste avant avec La Femme et le titre Packshot, un petit peu de musique électronique encore, mais dans un style un petit peu différent que l'électro-indus que l'on vient d'écouter. Pourquoi je pensais à ce titre en particulier, Alle gegen Halle, tous contre tous, hein, ce qui signifie tous contre tous en bon français, tous contre tous, hein, c'est un petit peu l'impression que j'ai avec ces élections départementales qui approchent et avec le triste spectacle que donnent une fois de plus nos personnalités politiques, hein. Je ne vais pas polémiquer sur le sujet, je ne vais pas non plus faire des leçons de morale, genre allez voter, laissez pas les autres décider à votre place, patin, couffin, etc. Vous faites ce que vous voulez et en même temps, si vous y allez pas, on peut pas vous en vouloir parce que on a souvent l'impression que les personnalités politiques de tous bords d'ailleurs loupent régulièrement des occasions de fermer leur gueule. Et d'aucuns d'entre vous diront peut-être « Toi aussi Stéphane ». Allez savoir, c'est possible. Quoi qu'il en soit, tous contre tous, c'est vraiment l'impression que donne cette triste foire d'empoigne. Voilà, c'était la petite minute politique de l'heure du loup. L'heure du loup, l'émission rock et new wave de Osmos Radio. À l'instant disais-je dans lequel je vous souhaite la bienvenue. On est encore ensemble pour une petite demi-heure de rock et du new wave et de musiques apparentées comme l'électro que l'on vient d'écouter. On va faire un grand écart musical ce coup-ci en allant vers un autre domaine artistique pour lequel j'ai vraiment beaucoup d'intérêt avec mon groupe préféré. J'ai eu l'occasion de vous en passer quelques fois. Si je m'écoutais, je vous en passerai à chaque émission, mais bon, c'est d'équilibrer un petit peu. Il s'agit du groupe italien Ataraxia, un groupe de musique médiévale mais qui va aussi un petit peu dans d'autres styles. Là, on va écouter un extrait de leur album La Malédiction d'Ondine qui était sorti en 95, le morceau Lucrecia qu'ils avaient réinterprété quelques années plus tard dans une version en concert, une version un petit peu plus hispanisante. Et en fait, pour l'anecdote, Lucrecia, c'est un texte de Baudelaire qu'ils ont adapté et qui en musique et qu'ils ont interprété Lucrecia, en fait une petite litanie que Baudelaire avait écrite dans Les Fleurs du Mal. Ben oui, parce que c'était la journée de la femme ce week-end, mais pendant tout ce mois de mars ça va être le printemps des poètes. Je vous propose d'écouter donc cet extrait de l'album La Malédiction d'Ondine, un très bel album qui a 20 ans déjà, oh là là, avec ce groupe qui est parmi mes groupes préférés, Ataraxia, la magnifique voix de Francesca Nicoli, tout de suite Lucrecia. Quel joli thème au piano. C'était un morceau de Dark Sanctuary, un morceau instrumental. Pour le coup, vous me direz, c'est un petit peu dommage vu la qualité des voix des chanteuses de cette formation française, cette formation de musique atmosphérique et médiévale. On dit vulgairement Heavenly Medieval. Dark Sanctuary, c'était le titre Par ce sang versé. Et c'était enchaîné juste avant avec un autre groupe du même style mais italien, cela Ataraxia, avec le titre Lucrezia. Dark Sanctuary par ce sang versé. Ben oui, le titre est un petit peu sinistre, mais en fait, c'est parce que journée de la femme ce week-end, et en fait, je me disais que nous, les garçons, on a quand même un avantage que nous a confié Dame Nature, qui est quand même bien appréciable, c'est quand on voit comme vous en chiez, mesdames, 5 jours par mois avec vos règles, on se dit qu'on a quand même bien de la chance, même si nous, on portera jamais un petit bout de chou dans notre ventre. Mais quoi qu'il en soit, c'est vrai que les règles, c'est quand même, enfin pour ma part, c'est vrai que j'ai eu des ex qui avaient des règles extrêmement douloureuses, et donc c'est quand même vous avez quand même du courage, mesdames. Voilà, je vais pas m'éterniser sur le sujet, hein. Après tout, c'est un petit peu embarrassant, et puis c'est votre problème, après tout, hein, démerdez-vous, mais c'est vrai que je tenais quand même à rendre hommage un peu à cet aspect des choses. Mais bon, hein, en même temps, comme disait ce personnage de South Park, Monsieur Garrison, quand on lui en demandait pourquoi est-ce qu'il était homosexuel, il disait, bah écoutez, moi je fais pas confiance à des créatures qui sont capables de saigner abondamment 5 jours par mois et de ne pas mourir. Voilà. Bon, c'est un point de vue qui se défend, hein, on vous me direz. Allez, on va aller vers des choses un petit peu plus légères. Au mois de janvier, il n'y a pas très très longtemps, comme je m'intéresse aussi à autre chose qu'à la musique, et que j'aime beaucoup la bande dessinée et le manga et les films d'animation, tout ça, j'ai eu l'occasion de repenser à ce très très bon mangaka japonais, magnifique pléonasme, enfin en tout cas auteur japonais et de bande dessinée et de cinéma, Katsuhiro Otomo, qui a été honoré lors du dernier festival d'Angoulême, c'était à la fin du mois de janvier. Et cet homme-là est notamment à l'origine d'un des mangas les plus mémorables qui soit. Il s'agit d'Akira, une bande dessinée en fait qui a été écrite à la fin des années 70 et tout au long des années 80 en feuilleton, etc. Enfin, c'est une œuvre assez considérable. Et si vous êtes férus de science-fiction, qui est tout à fait impressionnante. Et donc cet homme-là, Katsuhiro Otomo, 60 ans au compteur déjà, hein, c'est un monsieur d'un certain âge, mais quel talent. Et bien Katsuhiro Otomo avait porté l'univers de cette bande dessinée en film d'animation, et un film absolument mémorable qui avait impressionné tout le monde, et moi à l'époque, au début des années 90 quand il était sorti en France. Et donc en repensant à cet homme-là à l'occasion des honneurs dont il a été couvert lors du dernier festival d'Angoulême, donc festival de bande dessinée d'Angoulême, eh bien j'ai eu l'occasion de repenser à un joli clin d'œil qui avait été fait à son œuvre par une pianiste dont j'ai déjà eu l'occasion de vous parler, une demoiselle là encore qui a beaucoup beaucoup de talent, Sonia Belousova, qui, je vous avais déjà parlé de son dernier projet Cosplay Piano il y a quelques émissions de cela, parce que c'était assez sympa. Donc elle reprenait au piano, puisque c'est quand même une fille qui a des études de classique et des grands prix de conservatoire en veux-tu en voilà. C'est vraiment une artiste de renom. Et donc elle a un projet un petit peu plus léger avec lequel elle s'amuse beaucoup, et nous par la même occasion, avec des reprises en fait qu'elle fait de thèmes de jeux vidéo, de musique de films, etc. Donc avec Cosplay Piano par exemple, elle avait repris le thème de Batman, les thèmes écrits par Danny Elfman pour les films de Tim Burton par exemple, et c'était assez savoureux. Et donc là elle avait fait une reprise il y a quelques temps du thème composé par Gaino Yamashiro Gumi, oui j'ai écrit son nom parce que je serais incapable de m'en souvenir. Donc Gaino Yamashiro Gumi avait fait une bande originale pour le film Akira de Katsuhiro Otomo, qui était vraiment formidable, une musique de film qui vaut vraiment le détour, et je vous propose de vous en faire une idée par cette reprise qu'on va écouter tout de suite par Sonia Belousova, le thème de Kaneda. le thème de Canada, un extrait réinterprété avec talent par Sonia Belousova, cette pianiste russe dont c'est la deuxième ou troisième fois que je vous parle et j'ai bien l'intention de trouver des occasions de vous en parler encore parce qu'elle a beaucoup de talent. Le thème de Canada, disais-je, c'est un extrait de la bande originale du film Akira par Katsuhiro Otomo qui a bénéficié à raison, à mon avis, des honneurs au dernier festival d'Angoulême, donc ce mangaka qui, dans son œuvre maîtresse, Akira, qui avait été porté à l'écran à la fin des années 80, et la bande originale avait été composée par un musicien du nom de Gaino Yamashiro Gumi, qui avait su faire une synthèse de différents instruments asiatiques dans sa bande originale pour ce film-là que Sonia Belousova a su retranscrire au piano. Décidément, comme je vous le disais, elle a beaucoup de talent, ainsi que d'ailleurs la violoncelliste qui l'accompagne. Bon, j'ai plus son nom en tête, mais évidemment je vous mettrai tout ça sur le Facebook de L'Heure du Loup, facebook.com/L'Heure du Loup, tout attaché. Pour ce qui est des podcasts, vous les retrouverez en temps et en heure, bien entendu, sur le site d'Osmose Radio. Mon technicien préféré Abel vous met tout ça à disposition, et moi je vous retrouve bientôt mardi prochain à la même heure, puisque là on arrive à la fin de l'émission. Voilà, chers amis, d'ailleurs la semaine prochaine, mardi, ce sera le 17, ce sera la Saint-Patrick, donc vous vous doutez bien que je saupoudrerai un petit peu des trèfles parmi la playlist. Pour le moment, pour ce soir, je veux conclure sur ce clin d'œil que je tenais à faire aux dames, comme dirait Francis Cabrel, les dames donc dont il a été question un petit peu dans la playlist de ce soir, et là je m'adresse en particulier aux garçons. Enfin, peut-être aussi à certaines filles d'ailleurs, allez savoir. Il y a tous un moment dans notre vie, un moment ou plusieurs d'ailleurs, dans lequel on a pensé vraiment les filles, c'est toutes des putes. Ouais, je fais un petit peu de provoque, mais bon, si vous êtes un misogyne congénital, bon ben vous pensez ça depuis votre plus tendre enfance et vous le penserez jusqu'à votre mort. Là, bon ben c'est pathologique, personne ne peut rien faire pour vous à part peut-être la psychiatrie. Et sinon, si vous êtes un mec normal, hein, c'est juste que vous avez traversé une mauvaise passe et puis 48 heures, 72 heures, ça passe. Et donc il y a tous un moment où on s'est dit les femmes c'est toutes des putes, à tort ou à raison, peu importe. Et une qui a su reprendre cette expression qui est parfois un petit peu galvaudée, c'est une chansonnière qui a beaucoup beaucoup d'humour ainsi que beaucoup de talent, c'est la petite Guédrée qui a interprété, donc cette qui s'est approprié cette formule toutes des putes et qui en a fait une chanson avec laquelle on va se quitter ce soir. Voilà, si vous avez le sens de l'humour vous apprécierez, si vous n'avez pas le sens de l'humour, mais je me demande ce que vous faites à écouter L'Heure du Loup sur Osmose Radio. En tout cas, qui que vous soyez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous, et les filles aussi. Des putes.